dans ce monde vert, la légende perdure. Les sabots frappent, la forêt gronde, les voix s'élèvent, défiant la nuit. Près de ce qu'ils crient, la team résiste. Dans ce sanctuaire, la victoire se dessine. Les bases tiennent, la lutte gagne, mais le combat reste éternel et grand. Dans la forêt dense, nous sommes unis. Près de ce qu'ils guident, lumière dans l'obscurité. Chaque arbre garde le secret des combats. Dans Rust, la survie est un chant sacré. Sous la pluie battante ou le vent froid, nos voix s'élèvent fort et fiers. La nature sauvage est notre terrain, et ensemble, on écrit notre destin. Le jour se lève, la forêt s'éveille doucement. Dans le stream, une nouvelle aventure commence. Riders qui l'avancent, toujours debout. Dans ce sanctuaire Sozo, la lutte continue. La lutte continue. La lutte continue.